Vous écoutez France Culture. Merci Marie-Hélène. Le Salon Noir. Sapin enguirlandé de ce Noël 2013, certains ont sûrement reçu les 1327 pages des chroniques historiques et décapantes de Frédéric Lévineau et Gwendoline Dos Santos. C'est arrivé aujourd'hui où l'histoire au jour le jour en 365 chroniques. La culture de Frédéric Lévineau, journaliste scientifique au Point, nous y fait découvrir Toumaï, le plus vieil australopithèque, trouvé le 19 juillet 2001, l'assassinat de Jean Jaurès par un étudiant en archéologie le 31 juillet 1914, la découverte du buste de Néfertiti le 6 décembre 1912. Mais que nous propose-t-il donc pour le seul jour qui nous intéresse aujourd'hui, le 31 décembre? L'assassinat de l'empereur Commode, bien entendu cruel et paranoïaque, étranglé par son esclave Narcisse le 31 décembre de l'an 192 de notre ère. La mort de Commode est bien entendu un beau sujet d'archéologie. Nous lui avons préféré un autre événement qui se déroula lui aussi un 31 décembre, mais de l'année 1913, le vote de la loi sur les monuments préhistoriques et historiques. Pour en parler, Vincent Négri, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sûr chercheur au CNRS. Vincent Négri, il y a donc juste 100 ans, le 31 décembre 1913, une loi importante était votée. Oui, c'est une loi majeure pour notre patrimoine, puisqu'elle fonde aujourd'hui encore une partie des principes de conservation du patrimoine. Mais cette loi, elle s'inscrit dans une généalogie. Elle est l'héritière d'un processus qui s'était écoulé tout au long du 19e siècle, et le point de départ en fait précède même le 19e siècle, puisque c'est la Révolution qui énonce l'État comme le gardien d'un patrimoine collectif, et ce principe sera mis en scène par la monarchie de Juillet, qui va dérouler des mécanismes plutôt pratiques, puisqu'on est sur l'institution des inspecteurs des monuments historiques, Ludwig Vité puis Mérimée, quelques années plus tard, l'institution de la commission des monuments historiques en 1837, et finalement, progressivement, va se mettre en place au sein d'une administration naissante un processus de protection, de conservation des monuments les plus importants pour la nation. Alors, il faut dire quand même qu'au cours du 19e siècle, Mérimée, Victor Hugo et bien d'autres s'étaient tout à fait émus dans des pages restées très célèbres de la destruction de monuments, d'églises et autres. Victor Hugo même est un précurseur, puisque Victor Hugo nous enseigne dans son fameux texte « Guerre aux démolisseurs » publié en 1825 qu'il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Et poursuit-il, son usage appartient à son propriétaire, sa beauté à tout le monde. Donc Victor Hugo, sans le formaliser vraiment, met en évidence la dualité du droit de propriété, propriété individuelle entre les mains du propriétaire, et puis une conception beaucoup plus sociale, une propriété collective dont nous sommes tous les bénéficiaires. Et la loi 13, elle est ancrée sur ces principes. Alors, disons-le, Victor Hugo qui a écrit ce texte dans la revue Des Deux Mondes. Toujours est-il que 1913, ce serait donc, à vous écouter, une sorte d'aboutissement ? Oui, c'est l'aboutissement, puisque à l'issue des travaux menés par l'administration naissante dans la seconde moitié du 19e siècle, une loi sera adoptée, une première loi, la loi du 30 mars 1887, assurant la conservation des monuments et objets d'art présentant un intérêt d'art et d'histoire. Mais cette loi ne franchira pas le seuil de la propriété privée. La propriété privée est un absolu tout au long du 19e siècle, et on ne sait pas ménager un objectif de conservation avec cette propriété privée dont le propriétaire est le gardien exclusif. Alors justement, cette loi de 1913, est-ce qu'elle régit encore beaucoup de choses aujourd'hui, un siècle plus tard ? Cette loi de 1913, c'est un moment de rupture aussi dans les conceptions juridiques, puisque Le droit de propriété n'a plus ce caractère absolu qu'on lui connaît au cours du 19e siècle. Des théories sur la propriété sociale sont passées par là. Raymond Saleil dans la dernière moitié du 19e siècle, mais également Léon Duguit qui va théoriser la conception sociale du droit de propriété. Et on considère, au tournant du 20e siècle, que c'en est fini du caractère absolu du droit de propriété, que dorénavant, l'intérêt public peut permettre d'aménager le respect dû au droit de propriété. Et la loi de 1913 va se situer dans ce courant doctrinal. Elle va effectivement formaliser une servitude de conservation, et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation servitude d'utilité publique, qui permet d'assurer la transmission, la conservation d'un monument historique, tout en permettant que le propriétaire continue de jouir de son bien. Alors, est-ce que cette loi, justement, serait importante pour l'archéologie ? Elle l'est, bien sûr, pour le patrimoine, mais l'archéologie n'est qu'un élément du patrimoine. Alors, elle l'est pour le patrimoine parce qu'elle est une matrice et qu'elle formate encore notre droit du patrimoine, mais elle a un impact relativement limité en matière d'archéologie. Un impact limité puisque au même moment où le projet de loi a été déposé, le 11 novembre 1910, quelques semaines avant en réalité, le 25 octobre 1910, était déposé un autre projet de loi, un projet de loi sur l'archéologie. Et donc on a de manière concomitante à la fois un projet de loi en octobre 1910 sur l'archéologie et un projet de loi sur les monuments historiques en novembre 1910 qui sont déposés devant les chambres. Mais le parcours de ces deux lois ne sera pas tout à fait identique. Et donc, finalement, la loi de 1910, enfin, le projet de novembre 1910 deviendra la loi 13 et le projet sur l'archéologie échouera. Toujours est-il que je crois que ce que savent les archéologues, ce n'est pas la loi, ce qu'ils connaissent plutôt, ce n'est pas la loi de 1913, c'est la loi de 1941, une loi votée sous Vichy d'ailleurs. Oui, tout à fait, parce que la loi de 1941 est la loi qui est aujourd'hui dans notre code du patrimoine, puisqu'elle a été validée en 1945 à la Libération. Mais la loi de 1941, elle encadre l'exercice d'une discipline scientifique. Alors que les dispositions concernant l'archéologie dans la loi 13, en fait, sont des dispositions qui sont limitées au patrimoine archéologique et conçues dans sa monumentalité. Et donc, on est loin de l'exercice d'une discipline scientifique pris en compte par la loi de 1913. En fait, la loi de 1941, elle organise les fouilles, de fait. Elle régule donc l'archéologie et les fouilles archéologiques, essentiellement. Le dénominateur commun entre la loi de 1913 et celle de 1941, c'est la figure de l'État. Je dirais que l'État est le gardien du patrimoine. En 1913, il était déjà avant, cette figure s'est imposée progressivement au long du 19e siècle. Et en 1913, elle est consacrée, c'est l'État qui définit, qui qualifie, qui protège les monuments historiques. Et de la même manière, ce sera l'État qui va contrôler les fouilles archéologiques en 1941. Mais la loi de 1941, en fait, elle est là dans un objectif de surveillance des fouilles par l'État, de veiller à ce que finalement le site archéologique ne soit accessible qu'à un archéologue qualifié, compétent. Et cette loi de 1941, finalement, elle met en place un principe de prévention d'un risque que l'on maîtrise, enfin, que l'on maîtrise très bien à l'époque, puisque des travaux se sont tenus au Caire lors d'une conférence internationale en 1937 qui ont révélé que un des dangers auxquels est exposé le patrimoine archéologique, c'est la fouille d'un site par un archéologue qui n'aurait pas les qualités requises. À partir de là, l'information scientifique étant définitivement perdue, les États sont invités à légiférer pour veiller à ce que seuls des archéologues qualifiés et experts dans leur domaine puissent accéder et fouiller les sites archéologiques pour que l'information puisse être restituée à notre mémoire collective. En 2014 sera très probablement votée au Parlement une nouvelle loi, preuve de l'évolution de la discipline. Les choses ont bien sûr beaucoup bougé, 1913, 1941, 2001, 2003 et maintenant 2014 pour toutes ces lois qui concernent l'archéologie. Alors, cette loi annoncée par la ministre de la Culture se situe aussi dans un contexte juridique particulier puisque aujourd'hui l'ensemble du droit du patrimoine est assemblé au sein du Code du patrimoine. Ce Code du patrimoine a été constitué en 2004 et dans ce processus de constitution d'un code, il s'agit en fait de collecter l'ensemble des lois qui ont été adoptées progressivement au cours des temps, que ce soit la loi 13 sur les monuments historiques, la loi 30 sur les sites, de 41 sur l'archéologie, 79 sur les archives. Je pourrais continuer ainsi l'énumération. Et donc ce corpus maintenant est assemblé dans un texte unique, le testo unico, hein, comme le nomment les Italiens. Et est-ce que c'est cohérent, d'ailleurs ? Alors, le problème, c'est que la constitution d'un corpus qui s'est constitué progressivement au cours des siècles, c'est une stratigraphie parfois un peu désordonnée. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui peut-être de remettre sur le métier certaines dispositions pour donner un peu plus de cohérence à un texte qui souffre peut-être de cet assemblage un peu hétéroclite sur certains points et de mettre en liaison des connexions, ou d'établir des connexions entre certains textes. Les archéologues ont-ils réellement œuvré autour de cette loi de 1913 ? Les archéologues ont œuvré, moi, en sens, de manière assez faible autour de cette loi de 1913. Ils ont œuvré en amont, bien évidemment. D'abord, il y a eu ce combat contre le projet de loi qui était spécifiquement dédié à l'archéologie en 1910. Mais surtout, puisque ce projet de loi a été retiré très tôt par le gouvernement, il y a eu une tentative d'inclure l'archéologie dans le champ d'application de la loi de 1913. Et notamment, en 1912, un des projets était de mettre en place un gel des fouilles, sauf autorisation spéciale. Et donc, on était là dans des réactions face à l'exportation, sans doute jugée abusive à l'époque, d'objets préhistoriques vers des musées étrangers. Mais les sociétés savantes vont se liguer contre ce projet. Et finalement, l'archéologie va occuper une place très marginale dans la loi 13, puisque son rôle est limité à l'encadrement, ou plus exactement à une disposition qui oblige à la déclaration des découvertes fortuites. C'est la seule entrée législative en 1913 concernant l'archéologie. En tout cas, les archéologues professionnels n'existaient pas, absolument pas, donc, et nous avions forcément affaire à des amateurs à l'époque. Les vrais professionnels émergent en nombre, du moins uniquement dans les années 70-80. Ces amateurs étaient parfois regroupés en puissantes associations d'intérêt public. Peut-être le meilleur exemple serait la Société préhistorique française, par exemple, créée en 1910 et qui constituait une sorte de véritable lobby, pourrait-on dire aujourd'hui ? Oui, le rôle de ce que aujourd'hui nous appelons la société civile est très important à cette époque-là. Il est important également dans la société savante. Voilà, c'est la société savante à l'époque. C'est-à-dire que ce sont des sociétés savantes qui vont se constituer. On citera dans cette lignée la Société des antiquaires de Normandie avec Arcis de Caumont, bien évidemment, figure emblématique s'il en est sur la conservation des monuments historiques et du patrimoine archéologique. Mais en 1910, on est sur un tournant puisque le projet de loi porte atteinte à ce que la Société préhistorique de France appelle la liberté de fouiller. Et la liberté de fouiller, il faut la comprendre, elle se situe, cette revendication, la liberté de fouiller, elle se situe dans un contexte à la fois sociologique et scientifique. Sociologique d'abord parce que l'archéologie est une affaire d'amateurs, éclairée certes, mais une affaire d'amateurs, et ces amateurs, tout autant éclairés ou érudits qu'ils sont, ils financent pour une grande partie eux-mêmes leurs recherches. Certains vont même jusqu'à acheter les sites qu'ils fouillent ou louer les terrains sur lesquels ils font des fouilles. Et donc, on est dans le domaine de ce qu'on appellerait aujourd'hui la libre entreprise, en quelque sorte. Et puis, aspect scientifique, parce que finalement, c'est une archéologie encore de l'objet. C'est-à-dire qu'on est dans l'héritage du 19e siècle avec cette archéologie d'antiquaire, ce collectionnisme en quelque sorte, où on considère que l'objet, avec le classement suivant les trois âges, permet d'illustrer l'évolution de l'humanité. Et l'idée que l'objet doit être analysé dans son contexte d'origine et que le gisement également a une importance, cette idée-là n'émerge pas, ou alors elle émerge très faiblement à cette époque-là. Et donc, de fait, voilà, vouloir protéger des gisements, je veux dire, ne paraît pas comme une priorité absolue pour les archéologues. Cette loi de 1913 n'est-elle pas avant tout une révolution juridique quant à la propriété privée si importante dans le cœur des Français ? Alors, c'est une révolution juridique majeure même de ce point de vue-là, puisque ce que la loi de 1913 institue, c'est le classement d'office des monuments historiques. Il est possible pour l'État, dorénavant, et donc depuis 1913, de classer un monument historique malgré le refus du propriétaire. Et donc d'imposer la conservation à un propriétaire qui refuserait cet objectif-là. Autre nouveauté dans la loi de 1913, il est possible pour l'État d'exécuter des travaux d'office. Donc alors que le propriétaire se désintéresserait d'un monument classé, eh bien l'État peut intervenir d'autorité sur la propriété privée pour exécuter des travaux lorsque la conservation est gravement compromise. En 1913, cette option-là dont dispose l'État, l'État ne peut la mettre en œuvre qu'à ses propres frais. Donc il financera les travaux. On sait qu'aujourd'hui, on n'en est plus sous ce système-là, puisque depuis 1966, l'État peut imposer les travaux d'office et imposer 50% de leur financement aux propriétaires. Donc on a largement évolué dans l'aménagement du droit de propriété depuis ce temps. En tout cas, c'est une sorte de création d'une servitude de conservation, c'est bien ça ? Oui, servitude de conservation qui est le fil conducteur du droit du patrimoine aujourd'hui en France. C'est-à-dire que c'est une servitude d'utilité publique. Il faut bien comprendre ce terme d'utilité publique. L'utilité publique est ce que Duguy nomme comme la satisfaction d'un intérêt collectif, d'un besoin collectif, au service donc de la société. Et à partir de là, lorsque cette utilité publique se manifeste, eh bien le propriétaire doit accepter que son droit de propriété ne soit pas effacé, mais qu'il soit minoré. C'est-à-dire qu'on va tenter, de lui imposer une servitude donc de conservation. Il restera bien le propriétaire de son bien, mais il en perdra la libre disposition, ou tout au moins l'étendue, la plénitude de cette libre disposition. On peut dire que Victor Hugo, Mérimée auraient gagné s'ils avaient été là ? Oui, manifestement. Je dirais que moi, il me semble évident qu'il y a une très forte filiation entre l'incantation de Victor Hugo en 1825 et la loi 13. Je dirais que la loi 13 transcrit le projet politique de Victor Hugo. Alors, ce qui est curieux, c'est que le grand projet de la prochaine loi de 2014 porte justement à nouveau sur la propriété des vestiges archéologiques. Les archéologues sont visiblement très patients. Ils ont presque attendu un peu plus d'un siècle, un siècle et un an, pour revenir sur cette propriété. Alors, s'agit-il de patience ou est-ce que les archéologues, finalement, ne trépignent-ils pas depuis de nombreuses années, voire des décennies, pour qu'enfin il soit légiféré sur la propriété des collections archéologiques. Donc c'est la propriété du sous-sol, presque, pourrait-on dire. Propriété du sous-sol, mais bon, aujourd'hui, on est sur un système hétéroclite, on va dire, puisqu'on va distinguer entre des vestiges de nature immobilière et des vestiges de nature mobilière. Et puis découvertes fortuites, découvertes non fortuites. Voilà, découvertes fortuites, découvertes non fortuites. Donc il s'agit quand même maintenant de, je pense que ce corpus, il faut le revisiter et lui donner une plus grande cohérence. Plus grande cohérence aussi, puisque nous sommes relativement isolés, que ce soit en Europe ou dans le monde, dans la manière dont nous abordons la propriété des vestiges archéologiques. Quand il m'arrive de présenter dans des colloques à l'étranger notre système français, mes collègues étrangers me regardent avec des yeux exorbités. Ils pensaient que j'allais leur présenter un modèle, et en fait, c'est un modèle répulsif que je leur présente. C'est-à-dire qu'ils me disent « mais au grand jamais, nous ne voulons de ce système-là ». Voilà. On est sur un système qui favorise clairement la dispersion des collections archéologiques. C'est-à-dire que quand on fait une fouille, dans certaines situations, une partie pourrait revenir à l'État et une partie pourrait revenir au propriétaire du terrain, c'est bien ça ? Alors aujourd'hui, c'est le système qui prévaut. Aujourd'hui, nous avons un système où le propriétaire du terrain, concernant les collections, donc les objets archéologiques mobiliers, ce que les archéologues nomment le mobilier archéologique, donc à différencier des éléments plus monumentaux. Donc, sur ces objets archéologiques, il y a un droit permanent qui est celui du propriétaire. Alors, soit du propriétaire de terrain, soit il dispose d'un droit exclusif sur l'intégralité des collections, soit d'un droit qui est partagé avec l'État, ou encore, en cas de découverte fortuite, avec le découvreur. Mais on a une figure centrale qui est celle du propriétaire de terrain. Ça ne veut pas dire que l'État ne puisse pas revendiquer, mais quand l'État revendique, en fait, il s'agit d'une forme d'expropriation. Ça veut dire que l'État oblige le propriétaire des collections, donc propriétaire du terrain, en tout ou partie de ces collections. Et donc, le propriétaire du terrain est obligé de vendre à l'État. Mais on est dans un processus d'acquisition forcée, obligatoire. On n'est pas dans l'automaticité de la propriété publique telle qu'on le connaît en Italie, en Espagne, au Portugal, et dans un pays qui n'est pas réputé pour une tradition collectiviste comme la Suisse. C'est-à-dire que la Suisse consacre la propriété publique du patrimoine archéologique au nom de l'intérêt scientifique. Donc peut-être en 2014 ou en 2015, quand la chose sera votée, on peut penser que les vestiges archéologiques appartiendront automatiquement à l'État ? on peut espérer qu'il y ait un... Alors, je ne sais pas si la figure de l'État est encore au centre du dispositif. Je pense qu'il faut penser éventuellement en termes de propriété publique. Mais cette propriété publique, elle peut être soit étatique, soit entre les mains des collectivités territoriales. C'est peut-être aussi un enjeu majeur de responsabiliser les collectivités territoriales vis-à-vis de leur patrimoine culturel, y compris le patrimoine archéologique. Est-ce que vous pensez que cette propriété à l'État, aux propriétaires, etc., est le cœur de la loi aujourd'hui, ou pas du tout? C'est une chose qui intéresse bien les archéologues, mais le problème de l'archéologie en 2014 n'est-il pas autre? Question peut-être difficile. Question certes difficile, mais il n'est pas au cœur. Ça, je me sens. Alors, je ne sais pas s'il est. Je pense qu'il est. C'est une question centrale pour les archéologues, puisqu'il s'agit quand même de la conservation de la matérielle qui fonde leur discipline. Mais pour la population, pour les autres acteurs, ce n'est pas une question centrale. Et on se rend compte finalement, en discutant avec des propriétaires, qu'ils sont persuadés que ce matériel archéologique, ce mobilier archéologique, appartient déjà à la sphère publique. Changeons peut-être un peu de sujet. Les monuments mégalithiques, dolmens et autres menhirs sont intéressants à plus d'un titre. Tout d'abord, le mégalithisme, notamment breton, suscite depuis toujours l'imagination, une imagination qui touche des champs extrêmement variés, allant bien sûr de la celtomanie au spiritisme ancien. Oui, on voit que dans la loi de 1913, la question des mégalithes a été très longuement débattue. Alors, elle a été très longuement débattue pour une raison qui tient aussi à la curiosité qu'ont suscité ces monuments mégalithiques. Mais on se rend compte que finalement, on les prend en compte dans la loi 13 parce qu'ils sont une forme d'intermédiaire entre une science préhistorique qui commence à émerger, depuis la seconde moitié du 19e siècle, et puis une monumentalité. Or, la loi 13, elle inscrit le patrimoine dans sa monumentalité. Et finalement, ce serait une manière d'incorporer certains gisements au droit des monuments historiques. En 1764, le comte de Caylus, le premier archéologue, pourrait-on dire, français, écrit un très beau texte autour de ces rochers, preuve du désir de nations anciennes. C'est très joli. Oui, on voit effectivement que le comte de Caylus, malgré un contexte qui était éventuellement peu favorable à ce qu'une doctrine différente s'exprime, une doctrine en marge de la celtomanie ambiante en quelque sorte, le comte de Caylus est un précurseur sur ces questions-là. C'est le siècle des Lumières. C'est le siècle des Lumières, mais il faut aussi parler de Bernard de Montfaucon aussi, hein, qui publie l'Antiquité expliquée et représentée en figure. Et puis, il faut restituer ses pensées dans un contexte plus européen, puisque au même moment, quelques décennies plus tard, les travaux de l'archéologue danois Christian Jürgensen Thomsen vont permettre d'aborder l'archéologie dans une nouvelle approche avec cette classification en trois âges, l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge du fer. Donc on est vraiment dans une discipline qui se forge et s'invente dans cette période-là. En tout cas, on y voyait à l'époque quelques camps de César, ou tout simplement les Gaulois, les Celtes et leurs druides. L'idée d'ailleurs même de dolmen hôtels sur lesquels on voit encore des rigoles de sang est encore dans l'esprit des gens des Français aujourd'hui. Oui, oui. Est là en plein fantasme celtomaniaque. Hein. Oui, oui, toujours. Mais je pense que la celtomanie a toujours de beaux jours devant elle. Mais bon, ça fait partie, on va dire, aussi de l'évolution de nos sociétés. Je dirais qu'on peut, attribuer des vertus légendaires ou symboliques à des monuments. Alors, ce qui est intéressant avec les menhirs, c'est que dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'histoire et son patrimoine s'arrêtent-ils à l'Antiquité? Visiblement non, et de fait, il nous faut accroître cette notion de patrimoine à des temps plus anciens comme ceux de la préhistoire. Oui, on voit que c'est ce que je tentais d'expliquer, c'est que finalement, le mégalithe, c'est l'intermédiaire. Je dirais que la discipline, la préhistoire, finalement, elle est, on cite souvent Boucher de Perthes, mais en fait, c'est un contexte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où des travaux conduits par des scientifiques dans différents pays européens convergent. Et on est autour de 1850, et c'est en 1859 finalement qu'on dit, mais là, il y a une antiquité avant l'Antiquité, en quelque sorte. Il y a une histoire avant l'Antiquité qui était perçue à l'époque comme étant l'ancrage de l'histoire de l'homme. Et finalement, il y aurait une histoire, donc une préhistoire. Et donc, il s'agit bien, à un moment donné, à travers les mégalithes, d'inclure la préhistoire dans le champ de la protection du patrimoine. Alors, ce qui est très intéressant, je continue, c'est que ces mégalithes, ils sont absolument mal datés, indatés, dirais-je, et on les considère déjà, puisqu'ils appartiennent, oui, on le sait aujourd'hui, à la période néolithique, c'est du 3e, 5e, 3e, 2e millénaire avant notre ère, et qu'on les intègre déjà comme monuments de notre histoire nationale. Oui, mais je pense que le plus bel exemple, c'est constitué par le site de Carnac, puisque le site de Carnac, l'administration naissante des monuments historiques dans la seconde moitié du XIXe siècle, va entreprendre sur le fondement d'une loi qui a été adoptée le 3 mai 1841, loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et donc, cette administration va utiliser cette loi pour exproprier Carnac. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a deux points majeurs, à mon avis, dans ce processus. C'est que c'est la réaction des propriétaires. Les propriétaires vont se liguer et on voit là toute l'importance, le caractère absolu, la prévalence du droit de propriété dans cette période-là. Ils vont se liguer et obtenir gain de cause. Et donc, dans un premier temps, le gouvernement va reculer et donc va abandonner son projet d'expropriation. Il va revenir avec ce même projet en 1887. Et le décret de 1887 qui exproprie Carnac, il n'est pas intitulé « Décret portant expropriation pour cause d'utilité publique ». Il est intitulé « Décret prononçant d'utilité publique la conservation des mégalithes de Carnac ». On voit bien que on a déjà une politique publique qui se met en place autour de la conservation des sites mégalithiques. Et puis, il y a eu cet événement dans les années 90 où Carnac a été enclos pour, une fois de plus, essayer de le protéger. Et on se souvient de cette levée de boucliers. Carnac n'était plus accessible au tourisme, aux Français, en tant que monument national. Oui, mais pour y être moi passé récemment, c'était cet été, je trouve justement qu'on est sur un gain, je dirais, qui n'ont pas un recul. C'est-à-dire qu'on est sur un site qui est accessible, certes de loin, puisque la promenade autour des mégalithes n'est plus possible, sauf à être accompagné par un guide, ou alors en période de reflux touristique, en quelque sorte aussi, l'accès y est plus aisé. Mais finalement, peut-on voir aujourd'hui, à mon sens, le site dans son aspect tel qu'il était peu ou prou dans des temps plus anciens? Donc je pense qu'on a gagné, finalement. Je dirais que le public y a gagné. En tout cas, Vincent Négri, merci beaucoup. Et puis je signale que vous venez de faire paraître, avec plusieurs, bien sûr, autres chercheurs, 1913, genèse d'une loi sur les monuments historiques, notamment coordonnée par Jean-Pierre Badi, vous et bien d'autres chercheurs. Et le tout vient d'être publié à la Documentation française. Mardi prochain, à 15h30, le Salon Noir sera consacré à un étonnant sujet, le mystère du puits sanglant. Pourquoi toute une population, femmes, hommes, enfants, ont-ils été jetés dans les profondeurs et les entrailles d'un village en train sur Nohain? Le Salon Noir était réalisé par Viviane Noël, attachée d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.